Page d'ouverture. Activité 2 et 3, page 93. Piste 71. Moi, j'aime porter un jean et un t-shirt. Et toi, Alice? Tu aimes? J'aime porter une robe et une écharpe. Moi, j'aime porter une jupe et un pull.